Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions enregistrées autour de la philosophie des comédies musicales. Aujourd'hui, premier temps, chantons sous la pluie. Bonjour à tous. Ceci est une démonstration de cinéma parlant. Regardez comme mes lèvres et les sons qui correspondent à leur mouvement sont synchronisés en parfaite unisson. Depuis la naissance. Il y a sûrement quelqu'un qui parle derrière l'écran. Ne vous cachez pas derrière l'écran, monsieur Simpson. Non, je suis bien là. Plan des préoccupations des inventeurs et des pionniers. Ma voix a été gravée sur un disque. C'est un film parlant. Merci. Bonsoir. Eh bien, ce n'est qu'un jouet. C'est à hurler. C'est vulgaire. Est-ce que vous croyez que ça prendra cette invention? Sans doute, les frères Warner viennent d'entreprendre un film 100% parlant avec ce truc-là. Le chanteur de jazz. Ils vont se ruiner. Qu'est-ce que vous en dites? Croyons jamais ça ne prendra, ça. Oui, c'est ce qu'on disait des voitures sans chevaux autrefois. Poursuivons notre spectacle. Allons-y, messieurs. Bonjour Anne Tébine. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Est-ce que vous êtes venu avec vos claquettes? Non, heureusement, hein, parce que je ne sais pas danser. De toute façon, il n'y a pas l'image, hein, vous savez. À la c'est vrai. On aurait pu entendre le son. Surtout pour les claquettes, c'est un instrument de musique. Hein. Et d'ailleurs, on l'entendra justement à quel point les claquettes sont aussi importantes que la musique dans le film dont nous allons parler aujourd'hui, Chantons sous la pluie. D'abord, est-ce que la comédie musicale est le meilleur moyen d'atteindre la joie de vivre, comme le sous-titre de votre livre laisse entendre? Je pense que c'est pas le seul moyen, mais que au cinéma, la comédie musicale est très liée à la notion de joie de vivre, parce que c'est lié à la libération par le chant, la danse et la musique. Mm-hmm. La libération des pulsions, la libération, la désinhibition, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que c'est souvent une explosion de joie, même quand les films ne sont pas des comédies. Parce qu'en français, on dit comédie musicale. Comme pour déprécier le genre. Vous savez, comme quand on disait opéra comique ou opérette, pour dire que c'est à moins prendre au sérieux que les formes d'art légitimes. Comédie musicale, la joie de vivre du cinéma, c'est le titre de votre livre aux éditions La Martinière. Vous êtes critique de cinéma, enseignant de cinéma. Ante Bin, je vous appelle Ante Bin. Bin, comment Vous pouvez m'appeler Bin puisque c'est mon prénom en fait. Donc je vous appelle Bin. Ouais, voilà. Très bien. Première question, Bin, on a entendu l'extrait d'un homme qui s'adressait directement au spectateur à l'écran, envoyait sa voix et il parlait au spectateur. Est-ce que l'histoire de la comédie musicale est aussi l'histoire de l'arrivée de la voix au cinéma? Absolument. C'est même, enfin au cinéma, l'arrivée d'une révolution technique qui est le cinéma parlant. Il y a déjà de la musique qui accompagne les films, quasiment depuis les débuts du cinéma. Mais souvent, c'était la musique dans la salle qui était jouée en direct, live. Par contre, ce qui va arriver à partir de 1927 et se généraliser à la fin des années 20, c'est la piste sonore qui accompagne l'image et qui donc est gravée elle-même d'abord séparément, comme le montre d'ailleurs le film Chantons sous la pluie, puis ensuite est sur le support de la pellicule. Donc, et ça, évidemment, c'est une révolution. Ça veut dire que les acteurs peuvent être enregistrés sur le plateau en train de parler. Et du coup, ça va changer aussi les canons esthétiques et la manière d'aborder les films. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les acteurs ne sont plus uniquement des mimes, ils doivent aussi savoir parler. Or, les grandes stars du muet, c'est ce que raconte encore une fois Chantons sous la pluie, puisque c'est un film de mise en abîme, c'est-à-dire de spectacle dans le spectacle, qui raconte cette adaptation qu'ont dû avoir non seulement les acteurs, mais aussi les techniciens, les metteurs en scène, pour tout d'un coup avoir un art avec des personnages qui parlent, en faisant d'ailleurs référence avant tout au théâtre, qui est la forme de spectacle la plus proche finalement du cinéma parlant. Alors on va dire que l'histoire du cinéma va au départ y perdre, puisque il va y avoir beaucoup de bavardages filmés qui vont un peu, disons, faire perdre au cinéma sa spécificité visuelle. Mais justement, la comédie musicale est là pour éviter qu'il y ait que du bavardage à l'écran et pour qu'il y ait aussi un spectacle total qui intègre à la fois l'image, le son, la musique, le chant et la danse. C'est ça, la comédie musicale vient du souci de ne pas laisser l'image au second plan dans un cinéma qui devient justement investi par ce que vous appelez le bavardage, les talkies, hein, où les conversations sont menées à bâton rompu. Elle vient de là, disons que ça c'est notre analyse a posteriori. À l'époque où ces comédies musicales étaient réalisées, il s'agit tout simplement de tirer avantage technique du son au cinéma. Et comme on importe beaucoup de formes, justement, du théâtre et de la scène, ça commence par des adaptations de toutes les formes de spectacles scéniques qui parlent, qui chantent et qui dansent. Oui, le genre comédie musicale existe sur scène avant d'exister au voilà. cinéma. Il existe sur scène avant d'exister au cinéma. On s'aperçoit assez vite que le fait de juste photographier des spectacles scéniques, même si c'est des grands spectacles avec du chant, de la danse, etc., mais de les photographier d'une manière statique, puis sans faire très attention à ce qu'on raconte, que finalement, ça finit par lasser assez vite les foules. Donc, il y a assez rapidement un renouvellement à l'intérieur du genre, c'est-à-dire que des grands artistes, devant comme derrière la caméra, je pense à Fred Astaire, bientôt Gene Kelly quelques années après, Busby Berkeley, le metteur en scène chorégraphe, vont se dire, mais il y a dans cette forme, qui est la forme de la comédie musicale, quelque chose qui peut être spécifiquement cinématographique. C'est ce que raconte d'ailleurs, encore une fois, l'histoire de ce film, le scénario de ce film, Chantons sous la pluie. Alors on vous écoute. Quel est le scénario de ce film avant qu'on écoute le premier extrait du film ? Alors, il faut savoir que ce film a été réalisé en 1952, à une époque où la comédie musicale, il y a un âge d'or, parce que, au studio MGM, c'est devenu le genre chouchou, c'est le spectacle par excellence, l'œuvre d'art totale, qui plaît énormément au public, friand d'évasion, notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui a renforcé ce besoin de finalement se transporter dans des univers imaginaires. Et alors, ce film, Chantons sous la pluie, 1952, fait un flashback, c'est-à-dire raconte ce moment précis de l'histoire du cinéma dont nous venons de parler, à savoir le passage du muet au parlant, les difficultés pour les équipes de s'y adapter et la naissance de ce nouveau genre. C'est donc un film auto-réflexif qui parle de sa propre forme. Et ça va être justement ce scénario à partir d'un acteur qui a du mal à passer du muet au parlant et d'une actrice, et pour cause, puisque sa voix est épouvantable, qui n'y arrive pas. Donc on va être contraint de recruter d'autres talents pour remplacer éventuellement ces talents du cinéma muet, à moins que ces derniers n'arrivent à se reconvertir. C'est également d'ailleurs la trame d'un film beaucoup plus récent qui est The Artist, hommage à cette période-là. Un acteur qui arrive à passer le cap du parlant, tout simplement en s'apercevant qu'il peut faire des claquettes à l'écran. Donc le film The Artist de Michel Hazanavicius, hein, de 2011, avec notamment Jean Dujardin et Bérénice Bejo dans les rôles principaux. Ici, les acteurs, enfin le personnage principal, c'est Don Lockwood, joué par Gene Kelly, avec Lina Lamont, qui elle est jouée par Gene Hagen notamment. On a aussi Cosmo Brown, qui est l'espèce de le meilleur ami de Don Lockwood, qui est joué par Donald O'Connor. Et Kathy Seldon, c'est Debbie Reynolds. Vous avez le casting. Voici le début, je précise, pour nos auditeurs les plus rétifs qui se diraient, oui, les comédies musicales, bon, c'est le cinéma qui se regarde le nombril et qui fait croire qu'on peut chanter quand tout va mal, ça ne me plaît pas, que ce film et les films dont nous allons parler cette semaine sont de véritables mines d'or de réflexion. Comment passe-t-on de la marche à la danse? Qu'est-ce que la parole apporte à la pensée? Et autant de choses qui sont vraiment décisives, et je me réjouis qu'on passe cette semaine ensemble. Premier extrait donc. Si célèbre dans tout l'univers que Roméo et Juliette. Lockwood et l'amour. Alors, donne, dites-moi en confidence, est-ce que le bruit qui court est vrai que bientôt les cloches sonneraient pour vous et Lina? Ma chère, Lina et moi, nous sommes uniquement pour l'instant des amis, c'est tout ce que l'on peut dire. Le récit de vos succès est un exemple pour les jeunes qui rêvent de vous à travers le monde. On vous écoute. Eh bien, je veux dire d'abord qu'aucune histoire de ma carrière n'est possible sans inclure mon ami d'enfance, Edmond Brown. Depuis l'école, je crois que jamais nous ne nous sommes quittés. Oui, Dora. La même devise n'a jamais cessé de dominer ma vie. De la dignité. Avant tout, de la dignité. Elle m'a été inculquée par ma mère et par mon père dès la plus tendre enfance. J'ai été élevé dans les meilleures écoles et inscrit à un cours de danse. C'est là que pour la première fois, j'ai vu Edmond. J'avais l'habitude de faire un numéro avec lui quand mes parents donnaient une grande réception. Les invités m'applaudissaient à tout rond. Et quand j'avais été particulièrement sage, j'étais autorisé à accompagner maman et papa au théâtre. Ils m'ont nourri de Shakespeare, de Molière et de tous les grands classiques. Là-dessus venaient se greffer de fortes études musicales. Au conservatoire, j'étais un brillant sujet. C'était le bon temps. Enfin, nous avons parfait notre apprentissage dans le cours dramatique le plus réputé. Et pendant ce temps, Dora, la devise demeurait de la dignité, avant tout de la dignité. De la dignité, mais aussi pas mal de mensonges, parce que ce qui est très drôle, Bean, c'est que, en fait, ce qu'on voit à l'image dément en tout point ce que le personnage raconte. Hein. Il fait croire qu'il a été élevé à l'aide de Shakespeare et biberonné au plus grand texte classique. En fait, au contraire, son enfance a été loin d'être celle privilégiée qu'il raconte. On a déjà là le premier écart, la première distance source de comique entre ce qui est raconté, donc la voix, et ce qui est montré, l'image. Mais oui, en plus, c'est une manière de dire que la comédie musicale, elle peut avoir des velléités de prestige, mais que elle a sa source dans le spectacle populaire. Cette disparité exprime aussi l'illusion du cinéma et fait mine de démystifier cette illusion. Puisqu'on va enfin vous dire la vérité, le discours dit quelque chose, l'image dit autre chose. Donc, ce qu'insinue le scénario de Chantons sous la pluie, c'est que pour une fois, on va vous raconter la vérité sur comment on fait une comédie musicale, sur l'histoire d'Hollywood. Mais évidemment, ce faisant, on triche encore plus, puisqu'on reconstitue cette vérité. Par exemple, le personnage de Don Lockwood... Donc Gene Kelly, on a entendu, hein, la grande star. Voilà, alors il débute par exemple comme cascadeur. Et donc on voit ces cascades, mais évidemment, elles ne sont pas tournées, ces cascades, avec Gene Kelly. Elles sont tournées avec une doublure qui joue le rôle de Gene Kelly. Donc ça va être sans cesse ça, de jouer entre l'illusion, la vérité de l'illusion et le fait qu'on demande au spectateur finalement d'y croire. Et une fois qu'on lui demande ça, eh bien, il se trouve propulsé, immergé dans ce monde imaginaire qu'il prend pour réel, comme si on était dans un rêve. C'est ça. C'est ce que les Français ont du mal à... Enfin, le public français a du mal à accepter, puisqu'il y a une tradition quand même en France du réalisme et de « il faut y croire ». Et autant au théâtre, on peut accepter la convention de quelqu'un qui est en train de parler puis qui se met à chanter tout d'un coup. Ça pose pas de problème, mais au cinéma, ce réel ou ce réalisme est un petit peu mis en danger et ça peut gêner le spectateur de cinéma français. D'autant plus que quand vous avez une comédie musicale américaine, ils parlent en français, puis comme on l'a entendu tout à l'heure, ils se mettent à chanter en anglais. Donc ça renforce... Oui, c'est ça, on ne peut doubler que les dialogues et pas les chansons. Enfin, voilà, ou parfois on double aussi les chansons, ouais. Mais dans ce cas-là, voilà, on va pas entendre le chanteur chanter avec sa vraie voix, ce qui est quand même dommage. C'est comme si vous alliez à l'opéra, puis que on doublait les interprètes pour qu'ils soient mieux compris. Ce qui était le cas hein, avant, à l'opéra, on traduisait en français pour le public français, etc. Donc, voilà. Nous, on va voir un film en français qui, en plus, sur les débuts du cinéma parlant, où vous avez tout à l'heure eu la démonstration que, regardez, le type du petit film de démonstration, je parle et vous m'entendez parler et on voit les mouvements de mes lèvres. Sauf que quand on voit le film en français, c'est pas du tout synchrone parce que il a été doublé en français. Ça peut gêner le spectateur. Ah bah oui. Puis c'est le sujet du film aussi, hein, justement, le doublage. On va y venir. Hein, absolument. Quand le cinéma devient parlant, on se rend compte que les stars du cinéma muet n'ont pas du tout la voix qui sied à leur personnage. Avant ça, encore un point, vous avez dit oui, c'est un film qui montre la fabrication du cinéma, un peu les coulisses du cinéma. Ce qui est formidable, c'est de voir que la magie qui fait qu'un spectateur signe un pacte quand même avec le cinéaste qui fait que pendant 2 heures, il va se défaire de toute forme de réalisme et entrer dans un univers complètement imaginaire, n'est absolument pas gâché par le fait que les coulisses soient révélées au grand jour. C'est donc ça montre encore plus la puissance du cinéma. Mais vous savez, ça c'est le vieux truc du prestidigitateur qui fait mine de montrer un ou deux trucs à son public pour le gagner à sa cause, mais les tours les plus spectaculaires, ben voilà, ils sont là pour aussi véhiculer la magie que tout le monde a envie de voir parce qu'on s'est déplacé pour ça. Ouais. 1927, c'est la date où se situe le film Chantons sous la pluie. On a donc ce couple très connu, Don Lockwood et Lina Lamont. Lamont qui forme le couple du star du cinéma muet à l'époque. C'est aussi la fabrication des stars. On l'a entendu. Hein, il y avait la personne qui l'accueillait, la foule en délire. On veut savoir s'ils sont ensemble ou pas dans la vraie vie. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Et celui-ci commence à raconter son enfance. Et il redit à plusieurs reprises, on l'a entendu à la fin de l'extrait, l'importance qu'il accorde à la dignité. Qu'est-ce que c'est cette dignité, Bin ? Ben, cette dignité, c'est la dignité de l'image qu'on projette au monde extérieur et qui est donc dans le scénario, c'est la star qui est obligée de se conduire comme un modèle pour le public. Et alors, évidemment, les images démentent cette dignité justement pour rendre le spectateur complice qu'en fait, il ne s'agit que d'une façade. Et je crois qu'il y a un autre thème important qui est esquissé dans cette séquence-là, c'est que dans notre vie de tous les jours, on est obligé justement de paraître toujours digne face aux autres, puisque c'est finalement la représentation sociale qui est importante, mais il faut qu'on reste authentique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait gardé en soi une part, disons, d'enfance, d'immaturité revendiquée qui permet qu'on puisse s'exprimer d'une façon spontanée, d'une façon libre, éventuellement en travaillant cette forme pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que on projette une image de modèle qu'on n'est pas aussi comme eux, quelqu'un qui peut s'amuser en dansant dans des flaques d'eau par exemple, ou qui peut spontanément se mettre à chanter, à danser pour exprimer sa joie d'être au monde, sa joie de bien travailler, sa joie d'être amoureux, etc. C'est une chose à laquelle Gene Kelly tenait beaucoup d'ailleurs, hein, d'essayer d'être cette, à la fois cette star qui ne trahissait pas le public populaire qui le regardait. Il tenait vraiment à réduire au maximum l'écart entre lui et son public. Absolument. C'est-à-dire l'une des forces de Gene Kelly, c'est de dire à chaque spectateur, mais voyez, ce personnage que vous voyez à l'écran, ça pourrait être vous. Il y a une façon d'identifier comme ça. Et ensuite, ça pourrait être vous, y compris dans la réussite, puisque j'ai réussi à devenir une star. Donc, c'est aussi le rêve américain. C'est-à-dire, c'est ce qui est bien montré dans le ballet central du film, où on voit que un petit gars à lunettes qui débarque de sa province et qui va devenir petit à petit la vedette des spectacles Ziegfeld avec un haut de forme et des girls sublimes autour de lui. Voilà, il y a ça aussi. Vous qui êtes parti de rien, vous pourrez arriver à force de travail, à force de connaissance de vous-même, à devenir la star que je suis, sans oublier vos origines. Je ne supportais pas de voir la danse présentée au public américain comme l'apanage de l'aristocratie. C'est Gene Kelly qui dit ça. Et de fait, il a son costume de scène qu'on connaît bien. C'est vraiment l'homme de la rue avec un t-shirt, une casquette, des mocassins, un pantalon ajusté aux hanches et aux cuisses, une musculature apparente. On pourrait le croiser dans la rue, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en cela, alors que tout est construit, sa personnalité s'oppose à celle de Fred Astaire. C'est ce qui est sous-entendu dans la phrase, qui est toujours en costume de soirée, chapeau haut de forme, ses partenaires toujours en robe de soirée. Fred Astaire, c'est l'inverse de Gene Kelly. C'est-à-dire que lui, voilà, c'est un demi-dieu qui descend sur Terre pour se mêler aux vivants et pour leur montrer que finalement, il peut dialoguer avec eux. Gene Kelly, c'est l'inverse. C'est-à-dire que je peux vous prendre dans la rue et puis vous élever avec moi dans ces hauteurs d'où Fred Astaire était descendu 10 ans avant. Et vous invitez à danser avec moi. Alors, on va entendre la première fois que le personnage de Lina prend la parole. Donc c'est après la projection de leur film, le salut des acteurs. Elle veut prendre la parole et puis on voit que sans cesse Don l'empêche de parler. Donc on est un peu choqué en tant que spectateur. On se dit mais pourquoi est-ce qu'il laisse pas la femme parler? Et puis ils sortent, ils vont dans les coulisses et là la voix sort et on comprend pourquoi il ne voulait pas qu'elle parle. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, thank you, thank you. We're pretty darn thrilled at your response to the Royal Rascal. We had fun making it, and we hope you had fun seeing it tonight. We screen actors aren't much good at speaking in public, so we'll just act out our thanks. Oh, diggity kids, it's a smash. Hey, Mr. Simpson? Don, Lena, you were gorgeous. Yeah, Lena, you look pretty good for a girl. For heaven's sake, what's the big idea? Can't a girl get a word in edgewise? After all, they're my public, too. Sur quel droit est-ce qu'on me condamne à me taire? Après tout, c'est mon public aussi. Mais Lena, la publicité que représente M. Rod estime préférable que ce soit Don qui prenne la parole pour le couple. Pourquoi? Lena, vous êtes une femme d'une grande beauté. Les gens croient que vous avez une voix en harmonie. Le studio doit à tout prix empêcher ses étoiles de se ridiculiser. C'est un luxe qu'on ne peut plus s'offrir. Qu'est-ce qu'on reproche à ma façon de parler? Est-ce qu'on se fiche de moi? Ou est-ce qu'on me prend pour une imbécile? Don, est-ce que tu le laisses parler d'une façon aussi grossière à ta fiancée? Ma fiancée? Écoute, Lena, je parie que tu viens de lire un de ces hebdomadaires de cinéma. Voyons, Lena, tu ne devrais pas croire tous les potins à la noix que Dora Bellet et ses confrères racontent. Tâche de redescendre sur Terre. Il n'y a rien entre nous, absolument rien. Il n'y a jamais rien eu entre nous depuis qu'on se connaît. Que de l'air. Oh, Danny, qu'est-ce que tu me chantes? Viens, on va arriver en retard, c'est Armand, mon chéri. Non, prenez chacun une voiture, c'est le seul moyen d'échapper à la foule. Hein? Venez, Lena. Au revoir, chéri. Ma fève, à tout de suite. Chérie. Il faut lui mettre les points sur les i. Elle n'a donc rien compris, alors. Tu n'as pas entendu? Elle est irrésistible. C'est elle-même qui le dit. Ah, ce qu'elle est collante, cette fille-là. Et cette idylle fabriquée uniquement pour la publicité. Ça se paie, la célébrité. Chantons sous la pluie est à l'honneur aujourd'hui sur France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de comédie musicale jusqu'à jeudi. Aujourd'hui, on commence donc avec un chant sous la pluie en claquette en compagnie de Gene Kelly et de Bean qui est avec moi en studio ce matin. Ce qu'on entend dans l'extrait, c'est certes, elle a une voix horrible, mais surtout, elle est complètement bête, en fait. Ce personnage, vraiment, n'a absolument rien pour elle. Absolument. Et ce que cherche à nous dire le film, c'est que le cinéma peut mentir, surtout le cinéma muet, mais le cinéma parlant, et notamment la comédie musicale, sert à révéler qui on est vraiment. Donc, c'est aussi l'une des vertus de ce genre. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qui est vraiment caché à l'intérieur de nous ne demande qu'à s'exprimer à travers le chant, la danse et la musique. Alors pourquoi ce serait le chant, la danse et la musique qui révélerait qui nous sommes vraiment? Parce que c'est moins facile de mentir, apparemment, lorsque on est confronté à cette forme de spectacle qui exige qu'on ait du talent. La photogénie ne suffit pas. Ce qui était sous-entendu dans ce film-là, c'est qu'au temps du cinéma muet, il suffisait de bien présenter et puis on pouvait devenir une idole de l'écran. Et à partir du moment où le cinéma devient parlant, c'est comme s'il y avait un révélateur de la personnalité qui faisait que on ne peut plus cacher son absence de compétence, son absence de sincérité. Ça qui sous-entend que c'est la voix qui révèle qui nous sommes. C'est la voix qui révèle qui nous sommes, mais aussi la voix et le corps, puisque la danse, c'est le corps, la voix, c'est le chant. Mmh. Donc, c'est la capacité à faire du spectacle total peut se révéler ou doit se révéler comme ça, parce que ce que nous apprend aussi Chantons sous la pluie, c'est que la mauvaise voix, on peut arriver à la contourner par la post-synchronisation en doublant, en trichant. Alors qu'un corps qui s'exprime face à la caméra et qui danse, si la personne ne sait pas danser, eh bien, ça se verra tout de suite. Donc voilà, il y a une sorte de gradation qui fait que la comédie musicale, finalement, vous révèle tel que vous êtes et non pas tel que le studio vous a fabriqué. Enfin, tel que vous êtes au prix de longues heures de travail, parce qu'il faut apprendre à faire des claquettes, il faut apprendre à chanter, il faut apprendre à faire quand même beaucoup de choses. C'est pas tel que vous êtes né, hein, c'est tel que vous pouvez devenir. Non, oui, avec parce un que bon coach. C'est aussi une ode, justement, au travail. C'est vraiment la comédie musicale. C'est l'un des tours, d'ailleurs, de magie qui est dévoilé. C'est-à-dire que l'illusion de la spontanéité et de la liberté peut s'acquérir grâce à un énorme savoir-faire. Mais ce que vous diront tous les danseurs, et notamment les danseurs classiques, c'est qu'ils arrivent à trouver une liberté en eux à partir de la plus grande contrainte corporelle. Il y a quelque chose qui, une fois qu'on a dépassé cette contrainte, transcende finalement la pesanteur et disons les aptitudes terrestres qui nous sont données à tous au départ. C'est là où c'est très fort et je voudrais qu'on y vienne à présent. On va écouter un autre extrait, mais autant c'est une chose de travailler sa voix pour bien parler au cinéma quand celui-ci devient parlant, autant il n'est pas du tout évident que celui qui parle se mette à danser, alors que jusque-là, il pouvait le faire, y compris de manière silencieuse. Alors, on va entendre un extrait ensemble, Bine. C'est la leçon de diction. On apprend donc à Lina et Don à parler, puisqu'ils ont décidé, enfin, le producteur a décidé de faire en sorte qu'eux-mêmes deviennent des stars du cinéma parlant. C'est une catastrophe, hein, autant le dire tout de suite, parce qu'ils ne maîtrisent pas du tout les micros. Donc, dès qu'elle se gratte la tête, on entend le fait qu'elle se gratte la tête. Il y a le collier de perles qui vient frotter contre le micro. C'est une catastrophe. On va entendre la leçon de diction pour qu'ils apprennent quand même à bien parler. S'ensuit un numéro de claquettes, de danse. L'air de rien, tout d'un coup, alors que personne ne leur demande de le faire, ils passent de la diction à la danse. Écoutons ensemble et vous nous direz ensuite qu'est-ce qui justifie ce passage. Now, ta, te, ti, to, tu. Ta, te, ti, to, tu. No, no, Miss Lamont, round tones. Now let me hear you read your line. And I can't stand him. And I can't stand him. And I can't stand him. Can't. Can't. Can't. Can't. Can't. Can't. Very good. Now. Around the rocks, the rugged rascal ran. Around the rocks, the rugged... Rocks. Rocks. Around the rocks, the rugged rascal ran. Very good. Oh, hi, Don. Shall I continue? Yeah, go ahead. Mm-hmm. Don't mind me. Now, Moses supposes his toes are roses. But Moses supposes erroneously. Moses, he knows his toes aren't roses. As Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. But Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. A Moses is a Mose. A rose is a rose. A toes is a toes. Hoop-de-doodle-doodle. Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. Moses. La marche, comme la prose, a toujours un objet précis. Elle est un acte dirigé vers quelque objet que notre but est de joindre. Ce sont des circonstances actuelles, la nature de l'objet, le besoin que j'en ai, l'impulsion de mon désir, l'état de mon corps, celui du terrain, qui ordonne à la marche son allure, lui prescrivent sa direction, sa vitesse et son terme fini. La danse, c'est tout autre chose. Elle est sans doute un système d'actes, mais qui ont leur fin en eux-mêmes. Elle ne va nulle part. Que si elle poursuit quelque chose, ce n'est qu'un objet idéal, un état, une volupté, un fantôme de fleurs ou quelque ravissement de soi-même, un extrême de vie, une cime, un point suprême de l'être. Mais si différente qu'elle soit du mouvement utilitaire, notez cette remarque essentielle, quoique infiniment simple, qu'elle use des mêmes membres, des mêmes organes, os, muscles, nerfs, que la marche même. Pas bouger vos épaules en écoutant cette musique, Bine. Ah, c'est difficile. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. C'est parce que je me tiens là, prêt à parler. Prêt à parler, à bondir. Oui, alors le passage, on l'entend, le passage est tellement subtil entre la diction, la répétition, le rythme scandé, hop, qui passe le relais au pied. J'ai lu un court extrait des propos sur la poésie de Paul Valéry, qui compare la poésie, l'usage du langage en poésie, c'est-à-dire en vers et en prose, et le compare entre la marche et la danse. Ça s'applique exactement à ce que nous sommes en train d'entendre. Absolument. Et c'est le passage d'un monde à un autre, qui est un monde à la fois d'ouverture vers l'extérieur, hein, aller vers les cimes, et aussi d'introspection, c'est-à-dire que on sort ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc il y a les deux. C'est à la fois centrifuge et centripète. L'univers tout d'un coup n'est plus, n'est plus contraignant puisque il fait partie de la chorégraphie. Ce qui au départ pouvait être des freins deviennent des compagnons, des complices de cette libération. les objets, le décor, l'espace, le langage même. Le langage devient chanson et vous permet à la fois de mieux vous connaître vous-même, mais aussi de vous transformer et de vous transcender vous-même. En écoutant la leçon de diction, on pense d'emblée à une autre séquence célèbre, c'est My Fair Lady, qui est l'adaptation d'une pièce Pygmalion de Bernard Shaw, une pièce donc même très bavarde, mais qu'on va transformer en comédie musicale. Puisque... 10 ans plus tard, non c'est... Oh, c'est... Même plus, oui, 15, oui, 66 c'est... ou 67 12... Oui, c'est 64. 64. Parce que finalement, ce que la petite bouquetière Eliza Doolittle va comprendre, c'est qu'en apprenant à mieux parler, elle va révéler quelque chose en elle de potentialité totalement inattendu et inespéré. Ce qui est le sujet aussi de Pretty Woman. Absolument. Oui, oui, c'est vrai. Plus tard. Presque une adaptation. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans My Fair Lady, c'est que juste après la leçon de diction, exactement comme ici, elle se met à chanter. The rain in Spain stays mainly in the plain. Donc, et ils se mettent à danser. C'est d'ailleurs l'un des rares moments dansés du film. Parce que il y a cette explosion, finalement, de l'intuition, de l'instinct, du corps. Puisqu'elle va s'apercevoir aussi qu'elle ressent quelque chose pour le professeur Higgins. Hein, c'est le syndrome de Pygmalion, mais qui passe par ce chemin d'apprentissage, qui est un chemin vers les autres, et un chemin de connaissance sur soi-même. Ça, encore une fois, je pense que c'est l'un des thèmes aussi de Chantons sous la pluie. Mais ça, c'est très fort. Ça veut dire que la maîtrise de la diction, du vocabulaire et du langage est une façon, une manière de s'éduquer soi-même et d'essayer de révéler les potentialités que nous avons en nous, que nous contenons, mais qui ne sont pas visibles à tous, ni oui, à même et à puis, soi. Évidemment, et en plus, la leçon de ça, c'est que s'éduquer soi-même à travers le spectacle, en faisant partie du monde du spectacle, va nous permettre de, finalement, posséder cet univers. Et je suis très content que vous ayez passé cet extrait avec ce qu'on n'entend jamais d'habitude à la radio ou même au disque, c'est-à-dire le bruit des claquettes. Mais oui, mais quel numéro de claquettes s'ensuit en même temps ? Ce qu'on voit à l'image est extraordinaire. C'est fabuleux parce que c'est deux danseurs fabuleux. Mais ce qui est aussi important, c'est que en devenant danseurs de claquettes, les personnages prennent aussi le pas sur et la maîtrise de la musique, c'est-à-dire de la bande son. C'est-à-dire en plus, ils s'avèrent être des percussionnistes, puisque danser des claquettes, c'est pas uniquement danser. C'est aussi faire de son corps un instrument de percussion qui accompagne la musique. C'est-à-dire que, finalement, qui répond à cette musique qui vient d'on ne sait où, hein, qui est une musique céleste. Et puis, mais de dire que, voilà, on est assez doué pour l'accompagner avec nos propres instruments, faire avec notre propre corps. C'est important, ça. Oui, et puis vous avez dit, au moment du numéro de danse, le monde, l'univers n'est plus un obstacle, mais devient comme un allié, c'est-à-dire que le corps se fond absolument dans l'univers. C'est ça que montrent les scènes de danse. Absolument. Et les scènes de claquettes encore plus. Puisque quand vous avez un ballet classique filmé, même à la télévision, etc., on coupe toujours le son pour qu'on n'entende plus le bruit que font les pieds sur le sol. Puisqu'on est censé être déjà parti dans un monde céleste. Alors que ce qui est bien avec les claquettes, c'est qu'il y a la jonction. Il y a la jonction entre la terre et le ciel, c'est-à-dire entre l'homme et la divinité, on va dire, grâce à ce son qui est produit par son propre corps. Donc il y a aussi la notion de maîtrise et d'intermédiaire entre le réel et le fantasmé ou l'imaginaire. D'ailleurs, le personnage de Gene Kelly lui-même va parler des moyens dont il a lui-même utilisé pour atteindre ce résultat-là. On parlait du travail nécessaire à la construction de l'acteur. Eh bien, cette réflexion-là est présente dans le film lui-même. C'est une discussion entre Don, Cosmo et Kathy. Kathy, qui on n'en a pas encore parlé, c'est le personnage que va rencontrer Don, dont il va tomber amoureux, qui lui dit « Bon, c'est bien gentil les films que tu fais, mais en fait, quand on en a vu un, on les a tous vus, donc passons à autre chose. Moi, je suis une comédienne du théâtre. Voici comment lui, Don, va présenter son propre travail. Well, take a last look at it. It'll be up for auction in the morning. Oh, you're out of your mind. Signed it Saturday. No bank's going to foreclose until Monday. It wasn't so bad. Je ne suis pas un acteur. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai fait que des grimaces. Je le sais maintenant. De toute façon, les amis, je suis fini. Don, c'est ridicule ce que vous venez de dire. Mais c'est évident. Avec ta silhouette et ta prestance, je te vois ramasseur de mégots ou cireur de chaussures. Marchand de cacahuètes. Chiffonnier. Ou tondeur de chiens. Ou pire encore, revenir au music hall. Oui, voilà ce que j'aurais dû faire dans le duelliste chevaleresse, ça pouvait les séduire. Eh bien, faites-le alors. Quoi? Faites un film musical. Un film musical? Oui. Fais donc tout de suite du duelliste chevaleresque un film musical. Du duelliste chevaleresque? Oui. Nous avons 6 semaines avant sa sortie. Oui, quelques bonnes chansons, des numéros de danse, les mauvaises scènes, on les remplace par d'autres. Et tu as gagné. Donc, je crois que ça va marcher. Oui, bien sûr. Depuis, sans doute, est-ce pure folie, mais l'expérience doit être tentée. Le duelliste chevaleresque est un film musical. Et que ça sonne. Alléluia. Oui, mes jolies, je devine que c'est mon jour de chance. 23 mars. Oh non, ton jour de chance, c'est le 24. Qu'est-ce que tu me racontes, le 24? Il est déjà 1h30, c'est le matin. Oui. Ah, que voilà un beau matin. Good morning. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning to you and you and you. Good morning. Oui, je vais très rarement au cinéma. Quand on a vu un film, on les a tous vus. Ah, merci. Je dis ce que je pense. Le cinéma est une distraction qui convient aux masses, mais les vedettes de l'écran n'ont aucun intérêt pour moi. Elles n'ont pas de texte à dire, pas de scène à jouer. Ce sont des pantins qui font des grimaces. Vous savez? Comme ça. C'est un personnage très intéressant, celui de Cathy. On a entendu là, sa voix doublée en français qui condamne le cinéma parce que c'est un art qui convient en masse, parce que c'est elle, dans l'extrait qu'on a entendu avant, qui convainc Don aussi de faire un spectacle musical à partir de ce film qui est une catastrophe parce qu'il ne maîtrise pas du tout le son. Enfin, c'est pas lui, hein, ce sont les producteurs et l'équipe technique. Et qui lui dit, mais finalement, faisant un film musical et tu verras, ça marchera. Il y a une vraie transformation de ce personnage snob au début qui tombe amoureux de Don et qui en fait comprend que le cinéma est autre chose que ce qu'elle croyait. En fait, c'est un personnage qui est très peu commenté d'ailleurs en général et c'est dommage. C'est un personnage beaucoup plus complexe qu'on voudrait bien le dire. Elle a envie de devenir une actrice sérieuse qui dit des textes au théâtre, etc. Mais on apprendra aussi par la suite qu'elle est abonnée à des magazines de fans et qu'elle est elle-même fascinée par cet art du cinéma muet, mais qui fabrique des idoles et que finalement elle est aussi idolâtre. Et elle cherche à combattre cette propre ce fanatisme finalement en devenant une vraie actrice. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire qui est racontée, elle va arriver à résoudre ce dilemme grâce à l'évolution technique du cinéma parlant. C'est-à-dire que elle va convaincre Don Lockwood que son film doit devenir un film parlant, donc il va cesser d'être un pantin qui fait des grimaces, et dans l'intervalle, elle va finalement accepter d'être à la fois la spectatrice, l'instigatrice, et la porte-parole de ce nouveau genre qui permet au personnage de s'exprimer. D'autant qu'elle tient un rôle clé aux côtés de Don Lockwood, puisque leur histoire d'amour, qui vient se greffer à l'histoire du cinéma qui se raconte au sein de ce film, a quelque chose de très fort et qui justifie tout à fait, cette fois-ci, le recours à la danse et au chant. Autant dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Good morning, good morning, on se dit bon, pourquoi là se met-il à chanter? C'est vrai, il y a quand même des moments, je ne sais pas si vous le ressentez encore vous aujourd'hui, si vous êtes honnête avec vous-même, Bin, où en regardant ce film-là, on se dit mais pourquoi là? Pourquoi? Le moment où il raconte l'histoire de Broadway, ça dure 10 minutes, non, je crois. C'est très long. C'est comme une histoire dans l'histoire. On décroche. Là, vous parlez du grand ballet. Oui, par exemple, plus tard. Oui, ces moments où dans ce film et dans d'autres, il y a des moments dans ces comédies musicales où on se dit, non, mais là, c'est juste pour montrer qu'il y a une chanson, qu'il y a une danse, et en fait, ça ne sert pas le propos. C'est les moments où le spectateur est susceptible de décrocher. Oui, mais alors, ce qui est fort dans Chantons sous la pluie, c'est que tous ces moments-là, de jouissance un peu coupable du spectateur à qui on demande de mettre au placard son envie de réalisme, ils sont justifiés par le fait que les personnages du film sont dans le monde du spectacle et donc doivent œuvrer à produire un spectacle qui a du succès. À partir de ce moment-là, ça peut tout justifier. Ouais. Ça peut justifier qu'il sache chanter et danser, puisque d'une part, c'est censé être un talent inné, puisque Don Lockwood n'a jamais eu apparemment l'occasion de faire montre de ses talents de danseur avant cette comédie musicale-là. Mais on a appris que quand il était jeune, quand il était gamin, il aimait se déchaîner sur les scènes de musical. Donc ça, d'une part, mais d'autre part, ça veut dire aussi qu'en travaillant tous ensemble, on peut arriver à cette utopie qui sera que la vie devient spectacle pour rendre la vie meilleure au public du spectacle. Donc, vous voyez à quel point c'est le propos est quand même beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire au départ. C'est-à-dire, c'est pas uniquement de la virtuosité. Ouais. Voilà, c'est pas le retour en enfance ou la puérilité de se mettre à chanter, à danser spontanément. C'est pas du tout ça. On va arriver à résoudre un problème qui est à la fois individuel, social, collectif et professionnel grâce aux instruments même du genre qu'est la comédie musicale. Et sentimentale, parce que là où je voulais en venir, c'est que la scène de déclaration d'amour de Don Lockwood à Cathy a quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il assume son besoin d'être dans un décor de cinéma et de chanter pour arriver à lui dire ce qu'il veut lui dire. Cathy, Cathy, look, Cathy, seeing you again now that I... Cathy, je voudrais vous dire tellement de choses, mais... Je crois que je ne pourrais pas sans le décor approprié à la scène. Que voulez-vous me dire? Eh bien... Venez. Voilà le décor approprié à la scène. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Le brouillard qui descend des montagnes. Des lumières vives dans un jardin. Dans le soir, une jeune fille rêve à son balcon, sous des arceaux de roses trémières. Caressée par un rayon de lune, nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Une douce brise d'été. Et dans le rayon de lune, que vous êtes belle, Cathy. Maintenant que vous avez trouvé votre décor, allez-vous le dire? Je vais essayer. Life was a song, you came along. I've laid awake the whole night through. If I but dared to think you cared, this is what I'd say to you. You were meant for me, and I was meant for you. C'est le rêve d'avoir un tel décor à disposition pour une déclaration d'amour, et une telle voix, évidemment. Évidemment, et aussi, c'est une sorte de déclaration d'amour au cinéma. Puisque grâce au cinéma, le sentiment amoureux va transformer l'univers dans lequel nous évoluons. C'est-à-dire que un simple escabeau dressé dans un studio désert devient le balcon de Roméo et Juliette. Et le spectateur est amené à y croire parce que le personnage dans le film y croit. Et cette fameuse transition qui est difficile à avaler entre le dialogue et la chanson, il est demandé par le spectateur qui est venu voir un film musical. Il est demandé par le personnage de Debbie Reynolds qui dit à Gene Kelly « Mais exprimez-vous, allez-y chanter ». Elle lui donne en quelque sorte la permission d'entrer dans ce monde rêvé dans lequel on peut s'aimer, etc. Et sans que ce soit un simple cliché. Puisque finalement, dans tout le cinéma hollywoodien, notamment les comédies, mais aussi la comédie musicale, eh bien, c'est boy meets girl, c'est-à-dire que voilà, on a une certaine convention qu'on est obligé d'appliquer. Mais là, on lui donne un sens nouveau, parce que c'est la révélation par les artifices même du cinéma. Donc on fait mine, finalement, d'exposer, c'est comme on disait tout à l'heure, les trucs, oui, pour mieux faire adhérer à la magie du genre. Le paradoxe étant qu'à ce moment-là, on n'est jamais aussi loin de notre propre vie. C'est-à-dire que le cinéma nous montre comment la parole, la diction, la voix, le corps, la danse, les claquettes peuvent nous permettre de révéler le meilleur de nous-mêmes, c'est ce que nous disions, de nous éduquer en un sens. Ce à quoi nous adhérons à 100% en tant que spectateurs, car on ne demande que ça, ça correspond au fantasme de la meilleure personne que nous pourrions être. Mais une fois qu'on sort de la salle de cinéma et qu'on retourne à notre propre vie, ben on se rend compte que c'est pas du tout le lieu, que notre vie quotidienne ne nous permet pas de chanter, de danser pour faire une déclaration d'amour. Est-ce que ça nous renvoie pas de manière encore plus violente à notre pauvre situation de personnes qui ne sont pas des acteurs ni des personnages de films? Mais justement, ce que la comédie musicale, à cette époque-là, tente de dire aux spectateurs, c'est « faites la même chose chez vous ». Et vous savez, le vieux dicton « la vie n'est pas une comédie musicale », eh bien, on va chercher à vous faire croire l'inverse. Oui, c'est ça, on le fait croire. Oui, c'est une sorte... Ça ne fait que ressortir de manière plus violente la dureté de notre propre vie, où on ne chante pas du tout pour dire quelque chose. Mais ça, c'est... Enfin, peut-être vous, mais moi, je... Mais ça, c'est le musical plus moderne. C'est-à-dire que dans La La Land, par exemple, eh bien, le couple, lorsqu'il redescend sur Terre et dans sa propre vie, eh bien, il n'arrive pas à s'aimer. Il n'arrive à s'aimer que dans le rêve. Mais ça, c'est aussi ce que disaient les surréalistes, hein, l'amour fou, voilà. Donc, le rêve n'est pas un mensonge, c'est une révélation de soi-même. À partir du moment où on arrive à réenchanter le monde dans lequel on vit, à ce moment-là, peut-être qu'on arrivera à surmonter les difficultés de la vie. D'où, comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. C'est-à-dire même quand... C'est le titre de votre livre. Voilà. Même quand les circonstances sont dramatiques, voire tragiques, West Side Story, c'est Roméo et Juliette. Dancer in the Dark, c'est une exécution à mort du personnage principal. Mais à partir du moment où le personnage arrive à se projeter lui-même dans son univers, je dirais fantasmatique, bien à ce moment-là, c'est gagné. C'est gagné pour lui, c'est une sorte de rédemption finalement. Dernier exemple pour illustrer ce que vous venez de dire. Bean, il nous reste 4 minutes pour commenter la scène la plus connue de ce film et peut-être de l'histoire des comédies musicales. Non, je crois que c'est pas exagéré que de le dire. Le moment où Gene Kelly est amoureux, sort dehors, ouvre son parapluie sous une pluie battante et chante « Chantons sous la pluie »,« Singing in the rain ». La scène est tournée le 17 juillet 1951 dans les studios de la MGM. Donc il faut l'imaginer avec son parapluie. Et alors, il paraît que pour tourner cette scène, l'eau utilisée pour la pluie avait été légèrement teintée en blanc. On avait mis du lait dedans pour donner cette atmosphère laiteuse. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. C'est encore une légende urbaine. Non, c'est tout. Je l'ai lu dans un livre très sérieux que je ne citerai pas. Mais absolument. Et ça a été démenti par Gene Kelly lui-même. En fait, c'est plutôt un hommage au grand chef opérateur de l'époque. Parce que c'est très difficile de filmer la pluie. Donc, il faut l'éclairer d'une certaine manière. Et c'est grâce à cette lumière parfaitement réglée que la pluie est présente à l'écran. Parce que sinon, on ne la voit pas. Et alors, pour tourner cette pluie, c'était tout un artifice technique à mettre en place. C'est quelque chose de nouveau aussi. Il fallait une danse tridimensionnelle, paraît-il. C'est le grand mantra de Gene Kelly, qui s'estime d'ailleurs beaucoup plus chorégraphe et metteur en scène que interprète. Il a réalisé ce film avec sa... Oui, il a co-réalisé ce film. Il a donc avec son ancien assistant qui est Stanley Donen, parce qu'il lui fallait quand même un miroir pour juger peut-être de sa propre prestation. Pour lui, le handicap du cinéma par rapport au théâtre, notamment quand il s'agit de la danse et de la chorégraphie, c'est que le cinéma est plat, il est en deux dimensions, alors que la scène de théâtre est en trois dimensions. Dans une scène de théâtre, le spectateur peut se projeter dans l'aspect en profondeur, dans les trois dimensions de la scène. Donc, grâce au mouvement de caméra et au montage et au découpage, le cinéma va pouvoir réinventer la troisième dimension qui, au départ, lui était interdite. Et donc, c'est ce qu'on voit dans ce numéro, qui en plus fait de la pluie, c'est-à-dire, je dirais, l'élément le plus difficile à maîtriser, puisque c'est la nature qui nous l'impose. et en fait un complice de sa danse, puisque danser des claquettes sous la pluie, c'est un petit peu comme quand Fred Astaire danse sur du sable, ça produit un son différent. Donc c'est aussi l'invention d'un nouvel instrument de musique, en quelque sorte, pratiqué, encore une fois, avec sa propre énergie corporelle et ses pieds et ses chaussures. On se quitte en écoutant cette chanson ? Ah, j'espère. Eh bien, la voici. Merci, Bin. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Comédie musicale à la joie de vivre du cinéma aux éditions Lamartinière, c'est le titre de votre livre, N.T. Bin, et je précise aussi qu'on vous retrouve une fois par mois au micro d'Antoine Guyot, qui anime l'émission de cinéma sur France Culture, le samedi à 14h, plan large. Dancing and singing in the rain. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la philo, quelle actualité avez-vous retenue aujourd'hui ? Récemment, je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation. Les larmes me sont venues en regardant des programmes télé. Pas n'importe lesquels, je ne dirais pas que ces programmes sont les pires de ce que l'on peut faire, ils ne sont en tout cas pas les meilleurs. Entre jeux et télé-réalité, ils mettent en compétition des individus dans un domaine, chanson, cuisine ou mode. J'adore ce genre de programme, programmé justement pour susciter l'émotion, l'enthousiasme, la frustration, tire-larme à souhait. On sait tous qu'ils sont conçus pour ça, qu'ils marchent pour ça, et pourtant, les émotions bien réelles sont quand même là. D'où ma question aujourd'hui, des larmes artificielles, programmées, seraient-elles moins sincères que d'autres ? Y a-t-il de bonnes et de mauvaises larmes ? Regarde, Dan arrive. Il a l'air déprimé, il est trop triste. Alors, écoutez, c'est une décision très, très, très difficile à prendre. Je veux que vous sachiez qu'Alexa et moi, on est stylistes comme vous. Et on sait combien c'est important pour vous. Et on est très attachés à vous. Vraiment. Nous ne voulons pas faire le mauvais choix. Non, c'est pas à vous de me réconforter. C'est moi qui devrais le faire. Voilà, on vous aime tous. Vraiment. Depuis fin janvier, Netflix propose une série d'émissions sur la mode. Une quinzaine de candidats s'affrontent pour créer la meilleure tenue qui soit dans un style prédéfini au début de chaque épreuve. Militaire, dénime, sport ou tapis rouge. Évidemment, chaque épreuve voit un ou deux candidats éliminés jusqu'à la fin où il n'en reste plus qu'un, le meilleur censé incarner le futur de la mode. Format classique, attendu, sans surprise, cette série joue sur les ressorts habituels. Pression du temps, tension ou solidarité entre les candidats, effondrement de certains ou au contraire explosion de personnages que l'on croyait discrets. Malgré cette routine, par flemme ou par goût, j'ai quand même regardé la dizaine d'épisodes presque à la suite et j'ai vibré à chaque moment. J'ai donc moi aussi pleuré quand Tan, le présentateur que vous avez entendu, a eu des doutes pour éliminer Farah et Kiki sur l'épreuve streetwear. En dépit de la conscience que j'avais de la pauvreté de ce programme, j'ai non seulement continué de le regarder, mais je me suis carrément laissée happer. Je ne l'ai pas regardé pour rigoler, avec dédain, mais de tout mon cœur. D'où mon problème aujourd'hui, j'ai pleuré, mais mais sans y être, sans y croire, et même pire, sans être touchée personnellement, sans me sentir concernée, sans être mue, ni par la joie, ni par la tristesse. Sans émotion donc. Paradoxalement, je peux dire que j'ai donc été émue sans émotion. Comment est-ce possible ? François Mitterrand aimait dire « Il faut garder la nuque raide quand vous savez que ce que vous faites est juste ». Eh bien, Pierre Mauroy a gardé la nuque raide lorsqu'il défendait les valeurs qui étaient les siennes et la vision qui était la sienne. Eh bien, je voudrais te redire, et je te le redis au nom de tous aujourd'hui, merci Pierre. Ne t'inquiète pas, on continue. Voir un homme ou une femme politique pleurer est toujours un grand moment. Quand ces êtres de représentation que l'on croit toujours en contrôle sont saisis par l'émotion, quelque chose se passe. On a l'impression qu'une vérité surgit. C'est un vrai moment. Bien sûr, on peut avoir un doute. Parfois, certaines personnalités publiques jouent des larmes pour laisser penser qu'il se passe quelque chose, qu'elles font tomber le masque et se montrent à nu. Les larmes ne sont donc pas innocentes, même sincères, elles font partie d'une mise en scène. Mais qu'en est-il de ces larmes qui apparaissent quand on n'est pas acteur mais spectateur ? Aristote, dans son texte La Poétique, a bien décrit ce mouvement de la catharsis, le fait de se purifier de ses passions en les regardant jouer sur une scène. Aristote a aussi bien décrit ce mouvement de la mimésis, le fait de tirer des leçons morales, de faire la même chose ou pas à partir d'un spectacle auquel on assiste. Mais qu'en est-il quand on regarde un spectacle sans moralité ? Quand les passions mises en scène n'ont rien de crucial, rien de tragique ? Voilà le problème de ces larmes. Elles sont là, réelles, pas feintes, mais elles n'ont aucune valeur, ni émotionnelle, ni sentimentale, ni morale. Elles ne disent rien de nous, rien de ce qui se joue sous nos yeux. Elles ne nous montrent pas à nu, elles ne trahissent pas une pensée profonde et à l'inverse, elles ne servent à rien quand on n'a rien à jouer. Pourquoi sont-elles là alors ? Pourquoi avoir pleuré devant ce stupide programme télé ? Le téléphone pleure quand elle vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent. Pourquoi ai-je donc pleuré ? Eh bien, j'ai plusieurs réponses. Peut-être ai-je pleuré par mimétisme. Voir des gens émus fait quelque chose. Peut-être par réflexe. Voir des gens émus doit correspondre physiquement à des stimuli nerveux. Peut-être par gêne aussi. Voir des gens pleurer nous met mal à l'aise. Ou alors, peut-être que j'ai mauvais goût. Ou alors, peut-être que je suis une sociopathe qui pleure sans raison. Sans raison. Au final, là est, je crois, le pouvoir de ces larmes. Je cherche à leur trouver une excuse, un prétexte, mais souvent, les larmes ne sont rien que des larmes. Ni sincères, ni feintes, ni bonnes, ni mauvaises, juste là. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda, en compagnie de Jules Barbier, Manon Delasselle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine à la prise de son aujourd'hui, Adèle Caglar. On se retrouve demain pour la suite de notre série d'émissions autour des comédies musicales. Demain, on vous parlera de West Side Story en compagnie de Patrick Niedot. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission sur Chantons sous la pluie en compagnie de N.T. Bean, c'est très facile, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. Nous sommes sur ces trois réseaux et nous attendons vos remarques et vos commentaires qui eux aussi aident à faire vivre l'émission. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.